Instagram, on balance des rumeurs pour montrer les menteurs. Relations et destruction humaine, communiquent très caractère. Prenons position, affrontons l'oppression. Relations et destruction humaine, communiquent très caractère. Prenons position, affrontons l'oppression. Fuir, se faire rôtir, comment allons-nous finir? Fermer votre télé, maintenant imaginez, prendre des cachets pour s'effacer. Fuir, se faire rôtir, comment allons-nous finir? Fermer votre télé, maintenant imaginez, prendre des cachets pour s'effacer. Relations et destruction humaine, communiquent trait de caractère. Prenons position, affrontons l'oppression. Relations et destruction humaine, communiquent trait de caractère. Prenons position, affrontons l'oppression. Wow.